Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand, sur les ondes de C'est fou. La presse People. Allez dans n'importe quel kiosque à journaux et vous constaterez que, comme Dieu, les magazines People sont omniprésents. Omniprésents également à côté des toilettes et sur les tables de chevet. Il s'agit d'un divertissement abordable, une lecture simple, qui demande peu d'investissement intellectuel et qui comble un besoin social de plus en plus grand de voyeurisme, que j'ai déjà abordé dans la mythologie consacrée à la télé-réalité. Le Québec était autrefois constitué d'un peuple d'agriculteurs, d'habitants serait peut-être un mot plus typique, qui vivaient au gré des saisons, dans des communautés peu peuplées, disséminées dans les rangs. À cette époque, les occasions de rassemblement permettaient d'aller quérir les derniers potins du village. La vie était organisée autour de la communauté et, à la limite, le nouvel arrivant était vu comme un étrange, inspirant à la fois curiosité et défiance. Les journaux permettaient à la plupart des communautés de se tenir informées des dernières nouvelles de la province et du Québec. Puis, ce fut l'industrialisation et l'exode des campagnes vers la ville, amenant du coup un nouveau rapport au monde et à la communauté. À peu près en même temps, arriva le cinéma, invention qui a dès le départ suscité un grand engouement. Au Québec, on a pris quelques années à distinguer le personnage de l'acteur. En ce sens, on n'a qu'à penser à André Champagne, celle qui interprétait Donalda, la femme de Séraphin, qui, semble-t-il, recevait les couvertures parce que son « mari » était trop avare pour lui en fournir. Ou alors à Lucy Mitchell, celle qui interprétait la marâtre d'Aurore, l'enfant martyr, qui se faisait invectiver dans la rue. Personnellement, je crois que si on avait interviewé les gens qui ont commis de telles erreurs de jugement en leur demandant si, véritablement, ils croyaient aux fictions télévisuelles qu'ils voyaient, les forçant à y réfléchir, plusieurs se seraient sentis plutôt confus en admettant qu'ils avaient commis une erreur de jugement. Cela dénote davantage de volonté d'y croire, car les gens se retrouvaient dans les personnages de la boîte à images et voyaient une partie intime d'eux-mêmes, de leurs aspirations, de leurs émotions projetées sur l'écran. Aujourd'hui aussi, on projette la même chose sur les acteurs du cinéma. Le même processus opère, sauf que les gens sont davantage informés. Par contre, les acteurs, tels que vus sur l'écran, semblent beaucoup plus grands que nature, inaccessibles, souvent plastiques, surtout dans les blockbusters américains. On aimerait les voir dans une dimension plus humaine. C'est, me semble, la vocation de la presse People. Ainsi s'opère un renversement. Les acteurs, magnifiques, voire sublimes, deviennent misérablement humains, arborent des comportements parfois plus bas que bas. Et plus ils perdent en prestige, plus cela fait vendre des copies. Si d'une part, une partie d'eux-mêmes incarne un besoin de retrouver un idéal dans leur alter ego, sur l'écran, d'une autre part, la presse People résout un autre besoin, celui de renverser le sublime. C'est là une dimension du carnavalesque, dont parlait Michael Bakhtin. Dans la théorie de Bakhtin, on parle de carnaval, carnavalisation, lorsqu'il y a subversion, rupture, inversion du monde dans le récit. De même, on se rend compte, grâce à la presse People, que les vedettes ne sont jamais à la hauteur du personnage. Ils deviennent ainsi accessibles et perdent leur fonction mythique. Et le public adore ça et en redemande. Ainsi se comble un fossé par la presse People entre la réalité de l'écran, sublime, et la réalité tout court, souvent grotesque, mais à hauteur d'homme. Évidemment, comme on vit présentement dans un village global, les vedettes, en particulier américaines, ne paraissent plus si lointaines. Si l'habitant s'enquérait autrefois des nouvelles de la déchéance de Madame Chose, la troisième voisine, aujourd'hui, on s'informe de celle de Paris Hilton, la millionnaire en dérédiction. Il faut croire que rien ne disparaît, tout se transforme. C'est toujours le même voyeurisme, mais à un autre niveau. C'était une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand, sur les ondes de C'est fou.